suis dans la. Je suis dans la. Je savais, j'aurais dû garder ce que j'avais. Tout ce qui vient après le s'il te plaît, je sais que c'est pas vrai. Tous égaux quand on bavait. Quand les bacs nous lavaient. Et là je suis gavé, marre de voir des pavés. Ils parlent de hausse de délinquance, mais ici on l'a pas vu. Car t'as vu, nous on change pas nos habitudes. On ira voir de la petite meuf et ce même si nos habits puent, on subit tout. Et un jour on s'oublie tous, parce que jour après jour, forcément le survie pousse. Et un jour on s'oublie tous, parce que jour après jour, forcément le survie pousse. Je me suis mordu les lèvres en silence. Quand la vie m'a frappé en m'expliquant. Regard noir vers la médisance. En poche, mais un grand smile des vannes à gogo. Cousin, je te parle de ça, c'était bien avant de bicrave la coco. Frère Marie, pas une gogo. Souris même quand t'es touché. Pour éviter les drames, réavance parce qu'on t'a déjà poussé. Non, non. Les joues creusées, c'est pas des fossettes. Ouais. T'as vu mon blast, t'as pas décroché. Ouais. Web Sartex, un coup t'es refait. T'étais plus cool quand t'étais fauché. J'ai appris la discrétion en voyant mes frères béton. Quand tu dois casser un tête, c'est trop tard pour faire des pompes. Stopper le charbon, entrer dans le jean, arrêter de faire les cons. Finir pisté par les RG, soupçonné de faire des bombes. Ouais, ouais, ouais. Je me suis vendu les lèvres en silence. Quand la vie m'a frappé en m'expliquant. Regard noir vers la médisance en effritant. Il faut béton, mes refrains sont ramassés. J'tire une leçon de chaque larme salée. J'suis dans la brume, j'suis dans la rue. J'suis dans la. J'suis dans la bulle, j'suis dans la brume. J'suis dans la rue, j'suis dans la. J'suis dans la bulle, j'suis dans la brume. J'suis dans la rue, j'suis dans la. J'suis dans la bulle, j'suis dans la brume. Oh non non. J'me suis vendu les lèvres en silence.